Eh bien, bonjour, bonjour, c'est Dominique sur Radio Gemozo 107 FM. Aujourd'hui, une nouvelle, La Petite Mariée. Elle est écrite par Tagore, qui est née en 1861 à Calcutta, ville du Bengale, métropole de l'Inde anglaise. C'est un compositeur, écrivain, dramaturge, peintre et philosophe. Il a été couronné par le prix Nobel de littérature en 1913. Il soutient, comme Gandhi, le mouvement pour l'indépendance de l'Inde. Il a été élevé dans une famille d'artistes, de réformateurs sociaux et religieux, opposé au système des castes et favorable à une amélioration de la condition de la femme indienne. André Gide traduit de ses poèmes. Je vais vous en lire un extrait. Ma vanité de poète meurt de honte à ta vue, ô maître poète. Je me suis assis à tes pieds que seulement je fasse de ma vie une chose simple et droite, pareille à une flûte de roseau que tu puisses emplir de musique. On aimerait bien tous remplir une flûte de roseau de musique. En attendant, je vais donc vous lire sa nouvelle. Voici donc la deuxième partie de cette si jolie histoire d'amour, hein, au Bangladesh. La petite Marie va certainement voir son père. Je vais donc vous laisser avec elle. Au milieu de la nuit, Apurbo éveilla Mrinmayee et lui dit « Mrinu, êtes-vous prête à aller chez votre père ?» Elle lui saisit la main et dit « Oui ». Dans un murmure, Apurbo lui dit « Alors venez, sauvons-nous de cette maison. J'ai un bateau tout prêt à l'embarcadère. Allez, venez !» Mrinmayee jeta un regard plein de reconnaissance à son mari, se leva, s'habilla et fut bientôt prête. Apurbo laissa une lettre pour sa mère et tous deux quittèrent la maison, la main dans la main. Ils partirent pour leur voyage le long de la longue route sinueuse du village dans la nuit profonde. C'était la première fois que Mrinmayee avait placé sa main dans celle de son mari, avec un sentiment spontané de dépendance. Et la joie qu'il y avait dans son cœur se transmettait par ce doux contact au cœur de son mari. Quand ils arrivèrent au quai, ils montèrent dans le bateau qui était préparé et malgré toute l'excitation turbulente qu'elle ressentait, Mrinmayee s'endormit aussitôt. Mais le jour suivant, quel sentiment de liberté, quelle joie difficile à exprimer! Ils passèrent par un grand nombre de villages, de marchés, de champs cultivés, de groupes de bateaux ancrés auprès des ghats, ce sont des escaliers qui descendent dans l'eau. Mrinmayee commença à presser son mari de questions sur chaque détail du voyage. D'où venaient ces bateaux? De quoi étaient-ils chargés? Quel était le nom de ce village? Questions innombrables dont les réponses ne se trouvaient pas dans les livres de classe qu'Apurbo avait étudiés dans son collège. Ses amis se seraient bien amusés à entendre ces réponses qui ne s'accordaient pas toujours avec la vérité. Ils n'hésitaient pas un seul moment et donnaient le nom de grain de sésame au grain de lin que contenaient les sacs et appelaient Pochbert, le village de Rainagar. Il désignait le tribunal du magistrat du district comme le bureau du seigneur de l'endroit. Quelle que fût sa réponse, Mrinmayee était pleinement satisfaite, ne doutant jamais de son exactitude. Le jour suivant, le bateau arriva à Kunchiganj. Ishan était assis sur un tabouret de son bureau, dans sa hutte pauvrement éclairée par une lanterne à huile de forme carrée. Il était plongé dans ses comptes, le registre ouvert devant lui, sur la petite table, quand le jeune couple entra dans la pièce. Tout de suite, Mrinmayee appela « Père !» Un tel mot, prononcé d'une voix si douce, n'avait jamais retenti auparavant sous ce toit de tôle ondulée. Ishan put à peine retenir ses larmes et resta assis comme frappé de stupeur, ne trouvant pas un mot de bienvenue pour les accueillir. Sa fille et son mari lui apparaissaient comme une princesse et un prince de l'Empire, et il ne voyait pas quel trône convenable il pourrait trouver pour eux au milieu de ces sacs de jute. Et puis, comment faire pour les repas? Le pauvre homme devait faire lui-même sa cuisine et cuire son simple dîner de riz et de lentilles. Comment offrir ce dîner à ses hôtes? Mouin Maï dit, « Père, faisons la cuisine tous ensemble. » Et Apurbo se joignit à elle avec un grand enthousiasme. Alors, dans cette petite cabane, avec son manque de place, son manque de confort, leur joie jaillit de cette gêne étroite de la pauvreté, comme une fontaine jaillit 4 fois plus haut d'une petite ouverture. 3 jours se passèrent ainsi. Les bateaux à vapeur vinrent s'arrêter au quai tout le long du jour avec leur foule d'hommes bruyants. Mais le soir, les bords de la rivière devenaient déserts et c'était la liberté. Les préparatifs du dîner se faisaient, mais l'art de la cuisine n'atteignait pas une grande perfection, comme c'était amusant. Et les plaisanteries et les feintes querelles à propos des imperfections supposées allaient leur train. Tout cela était absurde et charmant. Mais tout a une fin. Apurbo n'osait pas prolonger ce congé. Et Mouin Maï demandait avec insistance de rester encore un peu de temps. Ishan aussi pensait qu'il était sage pour eux de retourner à la maison. Le jour du départ, Ishan prit sa fille dans ses bras et lui dit en posant sa main sur sa tête « Sois bonne et apporte du bonheur dans ta nouvelle famille. Que personne ne puisse faire la plus petite critique contre Maminou. » Mouin Maï partit donc avec son mari, pleurant toutes ses larmes. Et Ishan retourna dans sa petite cabane, 2 fois plus triste qu'avant. Et jour après jour, mois après mois, il continua à compter les sacs que les bateaux apportaient. Quand les fugitifs revinrent à la maison, la mère les accueillit dans un silence boudeur. Elle ne les blâma jamais pour ce qu'ils avaient fait et ainsi ils n'eurent pas l'occasion d'expliquer leur conduite. Ce silence maussade devint à la fin intolérable. Aussi, un jour, Apurbo dit que son collège allait ouvrir et manifesta son intention d'y retourner pour faire ses études de droit. La mère, affectant l'indifférence, lui demanda ce qu'il ferait de sa femme. Apurbo répondit. « Mais qu'elle reste ici ?»« Non, non !» s'écria la mère. « Il faut que vous l'emmeniez avec vous !» Apurbo, bien que très contrarié, accepta de le faire. Les préparatifs de leur départ pour la ville se firent donc. Mais la nuit avant de partir, comme il allait se coucher, Apurbo trouva Mouin Maï tout en larmes. Ceci le blessa cruellement et il s'écria. « Vous ne voulez pas venir avec moi à Calcutta ?» « Non !» répondit-elle. Il demanda alors, « Vous ne m'aimez donc pas ?» Mais elle ne répondit rien. Il y a des moments où les réponses à de telles questions sont fort simples, mais il y en a d'autres où elles sont trop compliquées pour qu'une si jeune personne puisse y répondre. Apurbo insista, « Est-ce parce que vous ne voulez pas laisser Rakal derrière vous ?» Elle répondit aussitôt, « Oui !» Pendant un instant, ce jeune homme qui était si fier de son diplôme de bachelier sentit la pointe de l'aiguille de la jalousie pénétrer profondément dans son cœur. Il ajouta « Je ne pourrai pas revenir à la maison avant longtemps. » Mouin Maï ne répondit rien. « Pendant 2 ans, peut-être plus » continua-t-il. Mouin Maï lui dit alors avec froideur « Vous ferez bien, quand vous reviendrez, d'apporter un couteau à 3 lames. » pour Rakal. Apurbo s'assit sur le lit et demanda « Vous vouliez dire que vous restez ici ?»« Non, » répondit Mouin Maï, « j'irai chez ma mère. » Apurbo poussa un profond soupir et dit « Bien, je ne reviendrai pas à la maison avant que vous ne m'écriviez de venir vers vous. Cela vous fait-il plaisir ?» Mouin Maï pensa que cette question ne méritait pas de réponse. Et s'endormit. Apurbo, lui, ne put dormir cette nuit-là. Les rayons d'un clair de lune s'étendaient sur le lit et au milieu de la nuit, Apurbo regarda Minmaï dans cette lumière. Et il lui semblait que quelqu'un avait endormi sa princesse avec une baguette magique en argent. Il lui suffirait de la toucher avec une baguette d'or pour la réveiller et l'épouser. La baguette d'argent, c'était le rire, et la baguette d'or, les larmes. Quand il fit presque jour, Apurbo éveilla Minmaï et lui dit « Il est temps de partir, je vais vous emmener chez votre mère. » Quand la jeune femme se leva de son lit, Apurbo lui prit les deux mains et lui dit « J'ai une prière à vous faire. Je vous ai aidé plusieurs fois et je réclame une récompense. » Minmaï, toute surprise, demanda « Quelle récompense ?»« Donnez-moi un vrai baiser d'amour. » Quand Minmaï entendit cette étrange requête et qu'elle vit le visage grave d'Apurbo, elle éclata de rire. Elle tendit son visage pour un baiser, mais éclata de rire à nouveau. Après quelques autres essais, elle continua à rire en se cachant le visage dans le pan de son sari. Apurbo lui tira gentiment l'oreille en guise de punition. Il prit alors une ferme résolution. Il ne voulait rien obtenir par la force, c'était trop humiliant. Il ne voulait rien prendre de ses propres mains, il voulait qu'on lui offre des présents spontanés comme à un dieu. Minmaï ne riait plus et Apurbo l'emmena chez sa mère, au petit jour par le chemin désert. En rentrant chez lui, il dit à sa mère « J'ai pensé que ma femme serait pour moi un obstacle dans mes études à Calcutta. » Et elle n'y trouverait pas de compagnie. Et comme vous ne vouliez pas la garder, je l'ai amenée chez sa mère. » La mère et le fils se séparèrent, mécontents l'un de l'autre. Quand Minmaï s'installa chez sa mère, elle remarqua que tout était différent du souvenir qu'elle avait gardé. C'était comme si tout était changé. Et puis le temps ne semblait pas s'écouler. Que faire? Où aller? Quelle personne voir? Elle ne savait plus que penser. Soudain, la maison, le village, lui parurent déserts. C'était comme une éclipse de soleil en plein midi. Elle ne pouvait comprendre ce qui était arrivé et voulait partir le jour même pour Calcutta. Elle ne savait pas qu'en cette dernière nuit, le passé de sa jeune vie auquel elle s'accrochait avait changé d'aspect avant qu'elle s'en aperçoive. Maintenant, elle pouvait aisément secouer les souvenirs comme l'arbre laisse tomber ses feuilles mortes. Les légendes nous racontent qu'un habile fabricant d'armes peut façonner des épées si tranchantes que l'homme coupé en deux ne s'en aperçoit pas. Mais s'il est secoué, les deux parties se séparent. L'épée du destin est aussi aiguë. Lorsqu'elle avait séparé la jeunesse de Minmaï de son enfance, Minmaï ne s'en était pas aperçue. Mais aujourd'hui, à cause d'une secousse, les deux parties de sa vie se détachèrent l'une de l'autre et Minmaï en fut tristement surprise. La jeune fille qui avait occupé la vieille chambre dans sa maison n'existait plus. Tous ses souvenirs maintenant erraient autour d'une autre maison, d'une autre chambre, d'un autre lit. Dehors, on ne voyait plus Minmaï, on n'entendait plus son rire. Rakal avait même peur d'elle car les jeux ne l'intéressaient plus. Un jour, elle alla trouver sa mère et lui dit « Mère, je vous prie, ramenez-moi dans la maison de ma belle-mère. » La belle-mère, de son côté, avait le cœur déchiré en se souvenant du triste visage de son fils au moment de son départ. Très fâché contre elle, il avait laissé sa femme chez sa mère et cette pensée l'affligeait. Aussi, quand un matin, elle vit Minmaï venir vers elle et se baisser jusqu'à lui toucher les pieds avec son front pour la saluer, elle en fut très surprise. Elle la releva aussitôt et la prit dans ses bras, les yeux pleins de larmes. Leur union fut complète en un moment. La belle-mère regardait avec étonnement le visage de sa bru. Minmaï avait entièrement changé. Un tel changement ne se produit pas chez tous. Il faut avoir en soi de grandes forces pour de telles transformations. La belle-mère avait décidé de corriger l'un après l'autre les défauts de Minmaï. mais un réformateur invisible, par un moyen secret et court, qui lui avait donné une nouvelle naissance. Maintenant, Mrin Mahi comprenait sa belle-mère et celle-ci comprenait Mrin Mahi. Elles étaient unies comme les rameaux d'un arbre, d'une manière inséparable. Quand l'instinct féminin, tendre, profond, immense, prit possession du corps et de l'âme de Mrin Mahi, elle éprouva de la douleur. Comme un nouveau nuage du mois d'août chargé de pluie, une sorte d'immense rancune pleine de larmes s'éleva dans son cœur. Cette rancune jeta une ombre plus épaisse encore sur son regard déjà sombre. Dans son esprit, elle disait à son mari « Moi qui ne me comprenais pas moi-même, pourquoi ne m'avez-vous pas comprise? Pourquoi ne m'avez-vous pas punie? Pourquoi ne m'avez-vous pas fait agir selon votre volonté ?» Quand j'ai refusé d'aller à Calcutta avec vous, pourquoi ne m'avez-vous pas forcé à obéir? Pourquoi m'avez-vous écouté? Pourquoi avez-vous accepté ma demande de rester ici? Pourquoi avez-vous cédé? Elle se souvenait alors du lac, du sentier, du soleil matinal et du regard profond d'Apurbo ce matin, là quand il s'était emparé de sa main près de l'étang du village. Et puis quand il avait regardé son visage sans rien dire. Et soudain, elle comprit le sens de tout cela, et ensuite la scène du baiser. Ce baiser qui, après s'être approché du visage d'Apurbo, s'était éloigné. Ce baiser inachevé était en elle comme un oiseau assoiffé qui volait vers une oasis. Mais la soif demeurait, et de temps en temps elle se disait « Si j'avais agi d'une autre façon, tout aurait été si différent ». Apurbo, de son côté, avait du chagrin en pensant que Mrin Mahi ne le connaissait pas. Et Mrin Mahi, aujourd'hui, se demandait ce qu'il pensait d'elle. Son affliction était faite de regrets et de honte. Apurbo n'avait connu qu'une petite fille sotte, capricieuse et méchante. Et non pas une femme capable de satisfaire toute sa soif d'amour avec le nectar du fond de son cœur. Son confident était son oreiller à qui elle disait tout ce qu'elle aurait voulu dire à Apurbo. Cela dura plusieurs jours. Puis, elle se souvint qu'il lui avait dit qu'il ne reviendrait pas tant qu'elle n'aurait pas écrit. Alors, elle s'enferma dans sa chambre et s'assit pour écrire une lettre. Le papier à lettres de couleur au bord doré fut sorti de sa boîte et avec grand soin, elle commença à écrire d'une écriture malhabile, faisant de grandes et des petites lettres, en tachant les doigts avec l'encre. Elle entra sans préambule dans le sujet et sans s'adresser à Apurbo. « Pourquoi ne m'avez-vous pas écrit? Comment allez-vous? Et je vous en prie, revenez à la maison. » Elle ne pouvait penser à dire autre chose, mais bien que le message important eût été écrit, cependant dans la société humaine, il faut élaborer davantage sa pensée. Aussi se tortura-t-elle l'esprit pour ajouter quelques mots de plus à ce qu'elle avait écrit. « Cette fois, n'oubliez pas de m'écrire des lettres et de me dire comment vous allez. Et revenez à la maison. Mère va tout à fait bien et les petits frères aussi. Notre vache noire a eu un veau la nuit dernière. » Et avec tout son amour, elle écrivit le nom « Srijuku Babu Apurbo Krishna Roa ». Elle ne savait pas qu'il fallait écrire autre chose pour compléter l'adresse. Malgré tout l'amour qu'elle avait mis à écrire la lettre, les lignes n'étaient pas droites, l'orthographe n'était pas correcte. Elle appela une domestique parce qu'elle avait peur que sa belle-mère ou quelque autre personne ne vienne à découvrir cette lettre. Inutile de dire que le message n'arriva jamais à destination et qu'Apurbo ne revint pas à la maison. C'était l'époque des vacances. La mère pensait que son fils ne revenait pas parce qu'il était fâché contre elle. Mrin Mahi aussi pensait qu'il était fâché et elle avait honte de sa lettre si mal écrite. Elle était comme percée d'une flèche en pensant que cette lettre était très ordinaire, qu'elle n'y disait rien, qu'elle n'exprimait pas du tout sa pensée et qu'en la lisant, Apurbo considérait Mrin Mahi encore plus comme une enfant, et la dédaignerait. Aussi ne cessait-elle de demander à la domestique si elle avait bien pris la lettre et l'avait mise dans la boîte. Pour la rassurer, la servante lui répondait qu'elle l'avait mise elle-même à la poste et que le maître l'avait reçue depuis longtemps. Un jour, la belle-mère dit à sa bru : Apurbo a été si longtemps absent que j'ai envie d'aller à Calcutta pour le voir. Voulez-vous venir avec moi ? Mirinmayi fit un vif mouvement de la tête pour dire son assentiment. Ensuite, elle courut à sa chambre et s'y enferma. Elle se jeta sur son lit, serra son oreiller sur son cœur et donna libre cours à toute son excitation par des rires et des mouvements de joie. Quand cet accès fut terminé, elle devint grave et triste et s'assit sur son lit pour pleurer en silence. Sans prévenir Apurbo, ces deux femmes repentantes s'en allèrent à Calcutta pour lui demander pardon. La mère avait un gendre à Calcutta. Aussi, elle alla s'installer chez lui. Ce même soir, Apurbo trahit la promesse qu'il s'était faite à lui-même et écrivit à Mrinmayi. Mais il ne trouvait pas de terme de tendresse capable d'exprimer son amour et était désolé de la pauvreté de sa langue maternelle. C'est alors qu'il reçut un mot de son beau-frère. « Mère est arrivée, venez vite et vous dînerez ici, tout va bien. » Malgré ces derniers mots réconfortants, Apurbo éprouva un sentiment de peur et ce fut en hâte qu'il se rendit chez sa sœur. La première question qu'il posa à sa mère quand il la rencontra fut pour demander si toute la famille se portait bien. La mère répondit que oui et lui dit qu'elle était venue pour le ramener à la maison. Apurbo lui dit qu'il pensait que ce n'était pas nécessaire d'avoir pris tant de peine pour cela car il avait un examen de droit à passer. Au dîner, sa sœur lui demanda pourquoi il n'avait pas emmené sa femme avec lui quand il était revenu à Calcutta. Cette fois encore, Apurbo commençait à parler avec un peu de solennité des examens auxquels il fallait penser. Mais le beau-frère lui coupa la parole en souriant. « Tout ceci n'est qu'une excuse. La vraie raison est qu'il a peur de nous. » La sœur répliqua. Vous êtes vraiment une personne effrayante. La pauvre petite pourrait avoir un choc en vous voyant. Ainsi, les rires et les plaisanteries continuèrent. Mais Apurbo restait triste et silencieux. Il accusait sa mère en lui-même de n'avoir pas eu la pensée d'amener Mrinmayi avec elle. Puis il pensa qu'elle avait peut-être essayé, mais n'avait pas réussi à cause du mauvais vouloir de Mrinmayi. Aussi craignait-il de poser la question à sa mère. Toute la vie humaine et tout l'univers lui semblaient pleins d'erreurs. Quand le dîner fut terminé, la pluie se mit à tomber et sa sœur lui dit « Frère, vous dormirez ici. » Apurbo répondit « Non, je dois rentrer, j'ai du travail à faire. » Le beau-frère intervint. « Quel travail avez-vous à faire pendant la nuit ? Vous n'avez personne à la maison pour vous gronder de votre absence et vous n'avez pas besoin d'être inquiet. » Sa sœur lui dit qu'il paraissait fatigué et qu'il valait mieux laisser la compagnie pour aller se coucher. Apurbo accepta après de nombreuses instances et contre son gré, il monta dans la chambre qu'il trouva dans une complète obscurité. Le vent a soufflé la lampe, dit sa sœur, qui lui demanda s'il voulait une lumière. Mais il répondit qu'il préférait l'obscurité. Quand sa sœur l'eut quitté, il tâtonna jusqu'au lit, se prépara à se coucher. Tout à coup, de tendres bras, avec leurs cliquetis de bracelets, entourèrent son cou et deux lèvres douces comme des pétales de fleurs l'étouffèrent presque de leurs baisers mouillés de larmes. Tout d'abord, Apurbo fut grandement surpris, mais ensuite, il sut que ses baisers, qui avaient autrefois été arrêtés par le rire, avaient trouvé leur chemin dans les larmes. Bien, voilà, voilà. Allez, une très belle histoire d'amour pour commencer l'année, n'est-ce pas ? Allez, à bientôt ! Donc, sur Radio Gemozo, 107 FM. Alors, figurez-vous que M. Tagore, l'écrivain, a écrit la musique et fait donner les paroles à l'hymne national du Bangladesh. Alors, on est parti pour l'hymne national. Je vous ai trouvé un hymne national un peu poétique quand même. Bhagune to rame bode brane pagol kore mori hai hai re oma bhagune to ame bode brane pagol kore oma bhagune to bhara kete ki dekhechi আমি কি দেখেছি মধুর হাসি সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি কি শোভাতি ছায়া গো কি স্নেহ কি মায়া গো কি আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে নদী কূলে কূলে মাতুর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো মরিহায় আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি চিরদিন তোমার আকাশ চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে ওমা আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি ওমা ফাগুনে তো রামে পাগল করে মনে হয় পাগলে তো আমি বলে গ্রামে পাগল করে ওমা গ্রামে তোর ভরা থেকে কি দেখেছি আমি কি দেখেছি মধুর হাসি সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি কি শোভাতি ছায়া গো কি স্নেহ কি মায়া গো কি আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে নদী কূলে কূলে মাতুর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো মরিহায় আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি চিরদিন তোমার আকাশ চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে ওমা